Chapitre 6e. Le lendemain, je me réveillai tard dans la matinée, bien que Paulin Broquet n'ait pas mis dans mon verre, comme dans celui du terrible Harry, sans qu'il s'en doutât le moins du monde, le soporifique nécessaire. Firmin me dit que le chef était sorti de grand matin. Il n'avait donc pas besoin de ma présence encore ou ne tenait pas à m'avoir déjà auprès de lui. Par conséquent, ce qu'il me restait de mieux à faire était d'attendre son retour pour apprendre de lui ce qu'il avait fait dans la matinée. Paulin Broquet rentra déjeuner à 1 heure, ce qui lui valut encore aujourd'hui les remerciements et les félicitations de la cuisinière. Elle leva les bras en l'apercevant et s'écria « Au moins ce matin, tout ne sera pas brûlé ni desséché, parce que vraiment c'est désespérant de vous préparer un bon plat. Vous le mangez au moins 2 heures trop tard. » Cette fois, nous prîmes notre déjeuner à l'heure voulue. Il était d'ailleurs excellent, car la brave femme soignait son maître et s'ingéniait à le régaler. Je n'ose pas dire qu'elle n'y réussissait pas, mais Paulin Broquet n'était pas un fin gourmet. Il avait fort bon appétit, mangeait rapidement, sans le plus souvent s'inquiéter du chef-d'œuvre culinaire de sa cuisinière dévouée. Mais il n'oubliait jamais de lui faire grand compliment, ce qui la touchait toujours énormément. Nous passâmes ensuite dans le studio. Pendant l'heure exquise du cigare et du café, Paulin Broquet me dit « Vous m'avez entendu dire souvent une sorte de proverbe que je vais vous répéter encore aujourd'hui. Voilà. Dans la vie, rien ne va comme on voudrait, mais tout arrive comme il fallait. Selon les desseins secrets de la Providence, ce dont on se rend compte bien après. J'avoue donc tout de suite que j'ai eu ce matin 2 échecs. Vous n'avez pas trouvé Miss Stella. Je ne l'ai pas cherchée. Pourquoi ? Vous deviez cependant ce matin la voir en premier. La voir seulement. Et je n'avais pas de temps à perdre à trouver son refuge. Cependant, vous deviez la voir, avez-vous dit. En effet, mais elle m'indiquera elle-même à sa demeure, sans s'en douter. Comment cela? C'est simple. Miss Stella prenait toujours une auto à la station qui est devant le Columbia Hotel. Je suis allé à cette station, et je n'ai pas pu trouver le chauffeur de l'auto qui la conduisit à la salle Gabel. Or, vous savez que c'est dans cette même auto qu'elle entraîna l'officier américain. C'est cette même auto qui fut chargée de fleurs, place Saint-Augustin, et c'est cette même auto qui la mena, avec l'officier américain, là où elle mit tant de boue à ses petits souliers, et d'où l'officier américain en emporta à ses larges semelles. Je m'en rappelle, en effet. Tout nous dit que c'est encore cette même auto qui certainement eut la charge des malles et des valises faites en coup de vent, mal fermées, et qui transporta Miss Stella, Mme Doty et l'officier américain à leur nouveau domicile. Il est fâcheux, en effet, que vous n'ayez pas trouvé l'auto, car évidemment le chauffeur vous aurait tout de suite indiqué le refuge de Miss Stella. Le second échec est que je n'ai pu voir au service américain le seul homme qui, discrètement, pouvait me donner le nom de l'officier américain. C'est encore très fâcheux, mais vous pourrez certainement maintenant trouver l'auto et voir le chef de service. Paulin Broquet fit un geste de la main, déposa son cigare dans le cendrier et me dit « Maintenant, mon cher ami, je n'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui. Je vous rends votre liberté. Vous êtes libre jusqu'à 3 heures. Allez à vos affaires. Faites ce qu'il vous plaira. Moi, j'attends ici l'avocat, Maître Georges Burel. Nous avons à consulter mes dossiers et à étudier cette gazette des tribunaux vieille de 35 ans. Connaissant mon homme et ses habitudes, je me retirai sans plus insister. Je rentrai chez moi pour, mes propres affaires, achever de corriger mes épreuves. Je fis une course jusqu'au journal. Pendant ce temps, Paulin Broquet pouvait travailler tranquillement. Et je revins vers 3h30. Comme j'entrais dans son studio, Paulin Broquet achevait d'écrire quelques notes sur des feuillets. « Mon travail a cette fois bien marché, » me dit-il dès qu'il m'aperçut. « Georges Burel, le célèbre avocat, est parti il y a seulement 10 minutes. Je regrette que vous n'ayez pu le voir. Il m'a d'ailleurs chargé de ses bonnes amitiés pour vous. » Paulin Broquet ferma son dossier, le rangea soigneusement dans son armoire blindée et me dit « Maintenant, mon cher ami, nous allons faire une nouvelle course jusqu'au New World Herald. » Il roula une cigarette et peu après nous filions dans son auto et nous arrivions devant la porte du journal américain rue de l'Arbre Sec. Il demanda à l'huissier en bas si M. David Bridgeport était arrivé. Le journaliste était dans son bureau depuis quelques instants. Paulin Broquet se fit annoncer. Il s'enquit tout de suite amicalement de la santé de David Bridgeport, lui demanda s'il ne se ressentait pas trop de son étranglement, de son évanouissement et même du traitement du médecin qui s'était occupé de lui. En riant, le bon Bridgeport répondit que lui-même, personnellement, ne se ressentait de rien, et ajouta « Ce qui a le plus souffert dans cette aventure, c'est ma chemise à qui on a fait l'amputation d'un morceau du plastron. » Et Paulin Broquet, sur le même ton rieur, ajouta « Je connais le chirurgien qui vous fait ses excuses, et tient à votre disposition ce morceau de chemise, qu'il garde encore parce qu'il est très important pour découvrir la vérité dans ce drame fantastique. » « Bon, » dit Bridgeport, « je serai content de le revoir, je le ferai encadrer, et il restera ici dans nos archives comme pièce à sensation. » Alors Paulin Broquet, redevenant sérieux, lui demanda « Est-ce que cet étrange et fantastique inconnu qui avait la bizarre idée de vouloir parcourir toute la collection du journal était un capitaine, un officier américain ?»« Pas que je sache, » répondit Devin Bridgeport. « Je l'ai à peine entrevu, mais il n'était pas en uniforme et portait un simple veston, incomplet, comme tout le monde. Rien ne pouvait me faire deviner en lui un officier américain. » « Est-ce que vous pourriez le reconnaître, si vous le rencontriez, si vous le voyiez par hasard ?»« Ma foi, non. Je l'ai vu pendant si peu de temps. C'est fâcheux. » Mais alors Paulin Broquet fit tourner Devin Bridgeport vers lui et le regarda. « Venez un peu ici, à la lumière, que je vois quelque chose. » Il l'amena devant la croisée et l'examina un moment avec attention. « Qu'est-ce que vous avez là ? » lui demanda-t-il en lui touchant le menton à droite. « C'est un fameux bleu ? » « Oui, j'ai dû me faire cela en tombant. »« Est-ce que ça vous fait mal encore ?»« Pas très mal. »« Je ressens seulement comme si on m'avait démoli la mâchoire. »« J'ai eu de la peine à déjeuner. »« Parfait. »« Parfait !» dit Devin Bridgeport en riant. « Mais vous êtes très aimable, vous. »« Je dis parfait. »« Non pas parce que ça vous fait mal, parce que vous avez la mâchoire endommagée, mais parce que je reconnais là un beau coup de poing, un coup du gauche, donné par un boxeur expert. » « C'est un coup qui a dû vous envoyer immédiatement au pays des songes. »« C'est très possible. »« Mais étant dans le pays des songes, je n'ai aucune souvenance. »« Et pourquoi m'aurait-on donné ce coup sur la mâchoire ?»« Pour vous empêcher de voir, pendant que vous entendiez sonner les cloches célestes, compiez tranquillement votre bibliothèque. » Bridgeport s'écria. « Puis ma collection, non, c'est impossible. »« Impossible ? Pourquoi ? Parce que d'abord, on n'avait pas la clé. »« Je sais. » C'est vous qui l'aviez dans la poche du gilet, et nous l'avons retrouvé dans la poche du stylographe, qui était troué. Donc quelqu'un a pris votre clé, s'en est servi, et a cru la remettre en place. » Devin Bridgeport eut un frémissement. « Je m'en rappelle, en effet. Mais cependant, cet homme, même en prenant ma clé, n'aurait pas eu le temps de fouiller dans la bibliothèque, de parcourir la collection. Ce travail pénible lui aurait demandé plusieurs jours. Mais cet homme allait à coup sûr. Il savait ce qu'il voulait voir, et la preuve, c'est que vous regardez dans votre bibliothèque. » Et du doigt, il désigna des volumes rangés sur les rayons. « Il doit, dans ce tome de cette année, manquer des pages à tel numéro. » Paulin Broquet consulta un petit carnet, donna la date précise et le numéro exact. Devin Bridgeport, maintenant, était tout tremblant. Il ne pouvait croire un pareil crime de lèse-collection. « C'est impossible, » répétait-il. « C'est infernal, c'est inouï. » « Assurez-vous-en, » dit Paulin Broquet. Devin Bridgeport prit dans la poche de son gilet la clé de la bibliothèque. Il l'ouvrit, tira le volume du tome désigné et aussitôt poussa un grand juron de colère. En effet, on voyait un fragment retenu par la reliure que l'on avait vivement arraché de la page. Et devant ce spectacle de désolation, Bridgeport voulait s'arracher les cheveux. Paulin Broquet le calma. « Ne vous désolez pas, mon cher ami. Tout va pouvoir se réparer. « J'espère bientôt être à même de vous rendre cette page. Avec un peu de papier gommé, un peu d'adresse du doigté, le mal n'y paraîtra plus. » Bridgeport poussa un grand soupir. « Ce ne sera tout de même pas la même chose. Ma collection était rare, elle était pure, et voilà qu'elle aura une marque indélébile grâce à ma faiblesse et mon manque de soin. Mais non, mon cher ami, au contraire. Ce sera un souvenir du drame mystérieux du New World Herald, dont vous êtes un des héros. » Peu après avoir consolé encore le malheureux Devin Bridgeport, l'avoir réconforté, nous prîmes congé et nous quittâmes le journal. Nous nous rendîmes à pied dans un café qui fait l'angle de la rue de l'Arbre Sec et de la rue du Louvre. Paulin Broquet me dit « Asseyez-vous là, dans ce coin. Attendez-moi. Demandez quelque chose à boire. Je vais donner un coup de téléphone. » Un quart d'heure après, Paulin Broquet reparaissait. Il avala son bock d'un seul coup en me disant sans s'asseoir « Hop, dépêchons-nous, venez, je vous emmène ».